3. Le premier problème. L'étrange et apparemment inexplicable enchaînement de circonstances liées à la disparition mystérieuse d'une célèbre actrice, Irène Wallach, de sa loge dans un théâtre de Springfield au cours d'une représentation, alors que l'écho d'une appréciation tumultueuse résonnait encore à ses oreilles, était peut-être le premier problème non purement scientifique que la machine à penser avait été invitée à résoudre. L'aide du scientifique fut sollicitée, dans le cas présent, par le journaliste Hutchinson Hutch. « Mais je suis un scientifique, un logicien », avait protesté la machine à penser. « Je ne connais rien au crime. » « Personne ne sait si un crime a été commis », s'empressa de dire le journaliste. « Il y a quelque chose de bien au-delà de l'ordinaire dans cette affaire. Une femme a disparu, s'est évaporée dans les airs au vu au su de ses amis. La police ne peut rien faire. C'est un problème pour un esprit plus grand que le leur. » Le professeur Van Dusen fit signe au journaliste de s'asseoir et s'enfonça lui-même dans une grande chaise rembourrée dans laquelle sa petite silhouette semblait encore plus enfantine qu'elle ne l'était réellement. « Raconte-moi l'histoire, » dit-il avec pétulance, « toute l'histoire. » L'énorme tête jaune reposait contre le dossier de la chaise, les yeux bleus louchaient régulièrement vers le haut, les bouts de ses doigts minces se pressaient les uns contre les autres. La machine à penser était d'humeur réceptive. Hutch triomphait. Il n'avait eu qu'un vague espoir de parvenir à intéresser cet homme à une affaire aussi bizarre qu'incompréhensible. « Mademoiselle Wallach a 30 ans et est belle, » commença le journaliste. « En tant qu'actrice, elle a gagné une grande reconnaissance non seulement dans ce pays, mais aussi en Angleterre. Vous avez peut-être lu quelque chose sur elle dans les quotidiens, et si... « Je ne lis jamais les journaux, » interrompit sèchement l'autre. « Poursuivez. » « Elle n'est pas mariée, et pour autant que l'on sache... n'avait pas l'intention immédiate de changer cet état, » reprit Hutch, fixant avec curiosité le visage mince du scientifique. « Je suppose qu'elle avait des admirateurs. Les plus belles femmes de la scène en ont, mais c'est une personne dont la vie a été parfaitement propre, dont le dossier est un livre ouvert. Je vous le dis parce que cela pourrait avoir une incidence sur votre conclusion quant à une raison possible de sa disparition. Maintenant, les circonstances réelles de cette disparition. Miss Wallach a joué dans le répertoire shakespearien. La semaine dernière, elle était à Springfield. Samedi soir, qui a conclu son engagement là-bas, elle est apparue dans le rôle de Rosalind dans « Comme il vous plaira ». La salle était bondée. Elle a joué les deux premiers actes avec beaucoup d'enthousiasme, et ce, malgré le fait qu'elle souffrait intensément de maux de tête auxquels elle était parfois sujette. Après le deuxième acte, elle est retournée dans sa loge, et juste avant que le rideau ne se lève pour le troisième, le régisseur l'a appelée. Elle a répondu qu'elle sortait immédiatement. Il ne semble pas y avoir l'ombre d'un doute possible que c'était sa voix. Rosalind n'apparaît pas dans le troisième acte avant que le rideau ne soit levé depuis 6 minutes. Quand la réplique de Mademoiselle Wallach est venue, elle n'a pas répondu. Le régisseur s'est précipité à sa porte et l'a de nouveau appelée. Il n'y eut pas de réponse. Puis, craignant qu'elle ne se soit évanouie, il est entré. Elle n'était pas là. Une recherche précipitée a été effectuée sans résultat, et le régisseur a finalement été contraint d'annoncer au public que la maladie soudaine de la star rendrait impossible la fin de la représentation. Le rideau a été baissé et les recherches ont repris. Tous les coins et recoins derrière les projecteurs ont été fouillés. Le portier, William Meighan, n'avait vu personne sortir. Lui et un policier se tenaient à la porte de la scène en train de parler depuis au moins 20 minutes. Il est donc concluant que Mademoiselle Wallach n'est pas partie par cette sortie. La seule autre façon de quitter la scène était de passer par-dessus les projecteurs. Bien sûr, elle n'est pas sortie de cette façon. Pourtant, aucune trace d'elle n'a été découverte. Où est-elle? Les fenêtres? Demanda la machine à penser. La scène est sous le niveau de la rue, expliqua Hutch. La fenêtre de sa loge, la chambre A, est petite et barrée de fer. Elle s'ouvre sur un puits d'air qui monte tout droit sur 3 mètres et qui est recouvert d'un caillebotis de fer fixé dans le granit. Les autres fenêtres de la scène sont non seulement inaccessibles, mais sont également barrées de fer. Elle n'aurait pu s'approcher d'aucune de ces fenêtres sans être vue par les autres membres de la compagnie ou les machinistes. « Sous la scène ?» suggéra le scientifique. « Rien, » continua le journaliste. C'est un grand sous-sol cimenté qui était vacant. Il a été fouillé, car il y avait bien sûr une chance que mademoiselle ait perdu temporairement la raison et erre là-bas. Il y a même eu une fouille des cintres, c'est-à-dire des galeries au-dessus de la Seine où les hommes qui travaillent à relever les décors sont postés. Il y eut un long silence. La machine à penser se tourna les doigts et continua à fixer le plafond. Il n'avait pas regardé le journaliste. Il rompit le silence après un certain temps. Comment mademoiselle était-elle habillée au moment de sa disparition ? En doublet et en tuyau, c'est-à-dire des collants, répondit le journaliste. Elle porte ce costume du deuxième acte jusqu'à pratiquement la fin de la pièce. Est-ce que tous ses vêtements de ville étaient dans sa loge ? Oui. Tout s'étalait sur un coffre de costumes non ouvert. C'était comme si elle avait quitté la pièce pour répondre à son appel. Tout cela dans l'ordre, jusqu'à une boîte ouverte de bonbons à la crème au chocolat sur sa table. Aucun signe de lutte, ni aucun bruit entendu ? Non. Ni trace de sang ? Rien. Sa femme de chambre en avait-elle une ? Oh oui. J'ai oublié de vous dire que la femme de chambre, Gertrude Manning, était rentrée chez elle immédiatement après le premier acte. Elle est tombée soudainement malade et a été excusée. La machine à penser tourna ses yeux plissés sur le journaliste pour la première fois. « Malade, répéta-t-il. Quel était le problème ? Ça, je ne peux pas le dire, répondit le journaliste. Où est-elle maintenant ? Je ne sais pas. Tout le monde l'a tout oublié dans l'agitation autour de Miss Wallach. Quel genre de bonbon était-ce ? J'ai peur de ne pas le savoir non plus. Où ont-ils été achetés ? Le journaliste haussa les épaules. C'était encore une chose qu'il ignorait. La machine à penser lança les questions de manière agressive, fixant intensément Raj, qui se tortillait, mal à l'aise. « Où sont les bonbons maintenant ?» demanda le scientifique. Encore une fois, Raj haussa les épaules. « Combien pesait, mademoiselle ?» Le journaliste pouvait l'estimer. Il l'avait vu une demi-douzaine de fois. « Entre 60 et 65 kilos, s'aventura-t-il. Y a-t-il un hypnotiseur au sein de la compagnie ?»« Je ne sais pas, » répondit Raj. La machine à penser agitait ses mains minces avec impatience. Il était agacé. « Il est parfaitement absurde, monsieur Hatch, expliqua-t-il, de venir me voir avec seulement quelques faits et me demander conseil. Si vous aviez tous les faits, je pourrais peut-être faire quelque chose, mais là... » Le journaliste était décontenancé. Dans sa propre profession, il était réputé comme un homme de discernement et de perspicacité. Il n'aimait pas le ton, la manière, même les questions apparemment insignifiantes que son interlocuteur posait. « Je ne vois pas, commença-t-il, ce que les bonbons, même s'ils avaient été empoisonnés, comme j'imagine vous le pensez, ou ce qu'un hypnotiseur peuvent avoir avec la disparition de Miss Wallach. Il est certain que ni le poison ni l'hypnotisme ne l'auraient rendu invisible. « Bien sûr que vous ne voyez pas, » s'enflamma la machine à penser. « Si c'était le cas, vous ne seriez pas venu me voir. Quand cela s'est-il passé ?»« Samedi soir, comme je l'ai dit. » l'informa le journaliste un peu plus humblement. Cela mit fin à l'engagement à Springfield. Mademoiselle devait apparaître ici à Boston ce soir. Quand a-t-elle disparu ? Selon l'horloge, je veux dire. La fiche de présence du régisseur montre que le rideau du troisième acte s'est levé à 9h41. Il lui a parlé, disons, une minute avant, soit à 9h40. L'action de la pièce, avant qu'elle n'apparaisse dans le troisième acte, dure 6 minutes. Par conséquent, en exactement 7 minutes, une femme pesant plus de 60 kilos, certainement pas habillée pour la rue, a complètement disparu de sa loge. Il est maintenant 5h18, lundi après-midi. Je pense que nous pourrons résoudre ce crime en quelques heures. Crime ? Répéta Hatch avec empressement. Imaginez-vous qu'il y a eu crime, alors ? Le professeur Van Dusen ne tint pas compte de la question. Au lieu de cela, il se leva et fit les 100 pas dans la salle de réception une demi-douzaine de fois, les mains derrière le dos et les yeux baissés. Enfin, il s'arrêta et fit face au journaliste qui s'était également levé. La compagnie de mademoiselle, je suppose, est maintenant à Boston avec les bagages, déclara-t-il. Voyez tous les membres masculins de la compagnie. Parlez-leur et étudiez particulièrement leurs yeux. Ne négligez personne, aussi humble soit-il. Découvrez également ce qu'est devenue la boîte de bonbons au chocolat et, si possible, combien de morceaux il en manque. Puis venez me faire votre rapport, ici. La sécurité de mademoiselle peut dépendre de votre vitesse et de votre précision. Hatch était franchement surpris. Comment ? Commença-t-il. Ne vous arrêtez pas pour parler, dépêchez-vous ! Ordonna la machine à penser. Un taxi m'attendra à votre retour. Nous devons nous rendre à Springfield. Le journaliste se précipita pour obéir aux ordres. Il ne les comprenait pas du tout. Étudier les yeux des hommes n'était pas dans ses cordes, mais il obéit néanmoins. Une heure et demie plus tard, il revint pour être jeté sans cérémonie dans un taxi en attente par la machine à penser. Le taxi s'éloigna vers South Station, où les deux hommes prirent un train, sur le point de partir pour Springfield. Une fois installé dans leur siège, le scientifique se tourna vers Hatch, qui était presque suffoqué par le poids des informations refoulées. « Eh bien » demanda-t-il. « J'ai découvert plusieurs choses », déclara le journaliste. « Tout d'abord, le partenaire de scène de Miss Wallach, Langdon Mason, qui est amoureux d'elle depuis 3 ans, a acheté des bonbons chez Schullière à Springfield samedi en début de soirée avant d'aller au théâtre. Il me l'a dit lui-même à contre-cœur, mais je l'ai obligé à répondre. « Ah !» s'exclama la machine à penser. C'était une véritable exclamation. « Combien de bonbons manquait-il ? » « Seulement 3 », expliqua Hatch. Les affaires de mademoiselle étaient emballées dans le coffre ouvert de sa loge. Les bonbons avec. J'ai demandé au directeur. « Oui, oui, oui !» interrompit la machine à penser avec impatience. « Quel genre d'yeux, à Mason ? De quelle couleur ?»« Bleu, franc dans l'expression. Rien d'inhabituel du tout, » déclara le journaliste. « Et les autres ?»« Je ne savais pas très bien ce que vous voulez dire par étudier leurs yeux. Alors j'ai pris une série de photographies. » J'ai pensé qu'il pourrait peut-être vous aider. Excellent, excellent, commenta la machine à penser. Il faisait défiler les images entre ses doigts, s'arrêtant de temps en temps pour en étudier une et lire le nom imprimé en dessous. Est-ce le premier rôle ? Demanda-t-il enfin, en tendant une photographie à Hatch. Oui. Le professeur Van Dusen ne reprit pas la parole. Le train arriva à Springfield à 9h20. Hatch suivit le scientifique sans un mot dans un taxi. « La confiserie Schuller, » ordonna rapidement la machine à penser. « Dépêchez-vous. » Le taxi s'élança dans la nuit. 10 minutes plus tard, il s'arrêta devant un magasin de bonbons brillamment éclairé. La machine à penser ouvrit la porte et s'approcha de la fille derrière le comptoir. « Pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire si vous vous souvenez du visage de cet homme ? » demanda-t-il en montrant la photo de Mason. « Oui, je me souviens de lui, » répondit la jeune fille. « C'est un acteur. » « A-t-il acheté une petite boîte de chocolat chez vous samedi, en début de soirée » demanda-t-il. « Oui, je m'en souviens parce qu'il semblait pressé. En fait, je crois qu'il a dit qu'il avait hâte d'aller au théâtre pour faire ses valises. »« Et vous souvenez-vous si cet homme a déjà acheté des chocolats ici ?» demanda le scientifique. Il montra une autre photographie et la remit à la jeune fille. Elle l'étudia un moment pendant que Hatch se tordait le cou, vainement, pour voir. « Je ne me souviens pas qu'il l'ait jamais fait, » répondit finalement la fille. La machine à penser se détourna brusquement et disparut dans une cabine téléphonique publique. Il y resta pendant 5 minutes, puis se précipita à nouveau vers le taxi, suivi de près par Hatch. « Hôpital de la ville, » ordonna-t-il. Le taxi s'éloigna une nouvelle fois. Hatch était muet. Il ne semblait rien avoir à dire. La machine à penser poursuivait clairement une ligne d'enquête définie, mais le journaliste ne savait pas laquelle. L'affaire devenait un kaléidoscope. Cette impression se renforça lorsqu'il se retrouva debout à côté de la machine à penser à l'hôpital de la ville, en train de converser avec le chirurgien de la maison, le docteur Carlton. « Y a-t-il une Madame Gertrude Manning ici ?» fut la première question du scientifique. « Oui, » répondit le chirurgien. « Elle est amenée ici samedi soir, souffrant d'empoisonnement à la strychnine. Oui, je sais, » interrompit l'autre. « Retrouvée dans la rue, probablement. Je suis médecin. » « Si elle va assez bien, j'aimerais lui poser quelques questions. » Le docteur Carlton accepta, et le professeur Van Dusen, toujours suivi fidèlement par Hatch, fut introduit dans la salle où reposait la servante de mademoiselle, pâle et faible. La machine à penser prit sa main et son doigt mince se posa pendant 1 minute sur son pouls. Il hocha la tête et semblait satisfait. « Mademoiselle Manning, pouvez-vous me comprendre ? » demanda-t-il. Elle hocha faiblement la tête. « Combien de bonbons avez-vous mangé ?»« 2 », répondit-elle. Elle regarda le visage au-dessus d'elle avec des yeux éteints. « Est-ce que mademoiselle en a mangé jusqu'au moment où vous avez quitté le théâtre ?»« Non. » Si la machine à penser avait été pressée auparavant, il courait maintenant. Hatch le suivit consciencieusement, descendit les escaliers et monta dans le taxi d'où le professeur Van Dusen cria un mot de remerciement au docteur Carlton. Cette fois, leur destination était l'entrée des artistes du théâtre, d'où Miss Wallach avait disparu. Le journaliste était confus. Il ne savait rien de très clair, sauf que 3 bonbons manquaient dans la boîte. De ceux-ci, la femme de chambre n'en avait mangé que 2. Elle avait été empoisonnée. Par conséquent, il semblait raisonnable de supposer que si mademoiselle avait mangé le 3e, elle serait également empoisonnée. Mais le poison ne la rendrait pas invisible. À ce stade, le journaliste secoua la tête désespérément. William Meighan, le portier de la compagnie, fut facilement trouvé. « Pouvez-vous m'informer, s'il vous plaît, commença la machine à penser, si M. Mason vous a laissé une boîte de bonbons samedi soir dernier pour Miss Wallach ?»« Oui, répondit Meighan avec bonhomie. Le petit homme l'amusait. Mademoiselle n'était pas arrivée. Mason lui apportait une boîte de bonbons presque tous les soirs et la laissait généralement ici. J'ai mis celle du samedi soir sur l'étagère ici. Est-ce que M. Mason est venu au théâtre avant ou après les autres samedi soir ?»« Avant, répondit Meighan. Il était exceptionnellement tôt, je suppose, pour faire ses valises. Et les autres membres de la troupe qui arrivent s'arrêtent ici, j'imagine, pour récupérer leur courrier. » Et le scientifique plissa les yeux vers la boîte aux lettres au-dessus de l'étagère. « Bien sûr, toujours. » La machine à penser prit une longue inspiration. Jusque-là, son front arborait des petites rides de perplexité. Maintenant, elles avaient disparu. « Maintenant, s'il vous plaît, » continua-t-il, un paquet ou une boîte de quelque nature que ce soit a-t-il été pris de la selle le samedi soir entre 9 et 11 heures ? Non, dit Meighan sans hésiter. Rien du tout jusqu'à ce que les bagages de la compagnie soient retirés à minuit. Mademoiselle avait 2 malles dans sa loge ? Oui, elles étaient énormes. Comment le savez-vous ? Parce que j'ai aidé à les mettre et à les sortir, répondit Meighan sèchement. Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Soudain, la machine à penser se retourna et court vers le taxi avec Hatch, son ombre, juste derrière. Conduisez. Conduisez aussi vite que vous pouvez jusqu'au téléphone longue distance le plus proche, ordonna le scientifique au chauffeur. La vie d'une femme est en jeu. Une demi-heure plus tard, le professeur Van Dusen et Hutchinson Hatch étaient dans un train qui les ramenait précipitamment à Boston. La machine à penser était dans la cabine téléphonique depuis 15 minutes. Quand il sortit, Hatch lui posa plusieurs questions auquel le scientifique ne répondit pas. Ils étaient peut-être à 30 minutes de Springfield avant que le scientifique ne montre la moindre disposition à parler. Puis il commença, sans préliminaire, un peu comme s'il reprenait une conversation antérieure. Bien sûr, si mademoiselle n'avait pas quitté la scène du théâtre, elle y était encore, déclara-t-il. Nous admettrons qu'elle n'est pas devenue invisible. Le problème était donc de la trouver sur scène. Le fait qu'aucune violence n'ait été utilisée contre elle est prouvé de manière concluante par une demi-douzaine de témoins. Personne ne l'a entendu crier. Il n'y a pas eu lutte, aucune trace de sang. Par conséquent, nous supposons au début qu'elle a dû consentir aux premières étapes qui ont conduit à sa disparition. Rappelez-vous que sa tenue était totalement inadaptée à la rue. Maintenant, formons une hypothèse qui s'adaptera à toutes les circonstances. Mademoiselle avait un mal de tête sévère. L'influence hypnotique guérira les maux de tête. Y avait-il un hypnotiseur à qui mademoiselle se serait soumise ? Supposons qu'il y en ait. Alors cet hypnotiseur profiterait-il de son contrôle pour la placer dans un état cataleptique ? Supposé immobile et il le ferait. Alors, comment se débarrasserait-il d'elle ? À partir de ce moment, les questions rayonnent dans toutes les directions. Nous nous limiterons au probable, en admettant pour l'instant que cette hypothèse, la seule qui convienne à toutes les circonstances, est correcte. De toute évidence, un hypnotiseur n'aurait pas tenté de la faire sortir du vestiaire. Que reste-t-il ? Une des 2 malles de sa loge. Hatch sursauta. Vous voulez dire que vous pensez qu'il est possible qu'elle ait été hypnotisée et placée dans cette 2e malle, celle qui était attachée et verrouillée ? Demanda-t-il. C'est la seule solution, déclara la machine à penser avec emphase. Par conséquent, c'est exactement ce qui s'est passé. Pourquoi ? C'est horrible ! S'exclama Hatch. Une femme vivante dans une malle pendant 48 heures. Même si elle était vivante au départ, elle doit être morte maintenant. Le journaliste frissonna un peu et regarda avec curiosité le visage impénétrable de son compagnon. Il n'y voyait aucune pitié, aucune horreur. Il n'y avait que le reflet du fonctionnement d'un cerveau. Il ne s'ensuit pas nécessairement qu'elle soit morte, expliqua la machine à penser. Si elle a mangé ce 3e bonbon avant d'être hypnotisée, elle est probablement morte. S'il a été placé dans sa bouche après qu'elle ait été dans un état cataleptique, il y a de fortes chances qu'elle ne soit pas morte. Le bonbon n'aurait pas fondu et son organisme ne pouvait pas absorber le poison. Mais elle serait étouffée. Ses os seraient brisés dans la manipulation brutale de la malle. Il y a une centaine de possibilités, suggéra le journaliste. Une personne dans un état cataleptique est singulièrement imperméable aux blessures, répondit le scientifique. Il y a bien sûr un risque d'étouffement, mais beaucoup d'air peut pénétrer dans une malle. Et les bonbons ? Demanda Hadj. Oui, les bonbons. Nous savons que deux bonbons ont failli tuer la femme de chambre. Pourtant, M. Mason a admis les avoir achetés. Cet aveu indique que ces bonbons empoisonnés ne sont pas ceux qu'il a achetés. M. Mason est-il un hypnotiseur ? Non, il n'a pas les yeux pour cela. Sa photo me le dit. Nous savons que M. Mason a acheté des bonbons pour mademoiselle à plusieurs reprises. Nous savons que parfois il les laissait au portier. Nous savons que les membres de la troupe s'y arrêtaient pour le courrier. Nous voyons instantanément qu'il est possible d'enlever cette boîte et de la remplacer par des bonbons empoisonnés. Toutes les boîtes se ressemblent. La folie et la ruse de la folie sont derrière tout cela. C'était une tentative délibérée d'assassiner mademoiselle. Longuement réfléchie et due peut-être à un engouement sans contrepartie ou sans espoir. Cela commençait avec les bonbons empoisonnés. Et à défaut, s'est poursuivi jusqu'au moment où le régisseur a parlé pour la dernière fois à l'actrice. L'hypnotiseur était probablement dans sa loge à ce moment-là. Vous devez vous rappeler qu'il aurait été possible de soulager le mal de tête et en même temps de laisser mademoiselle libre de jouer. Elle le savait peut-être par expérience. « Est-ce que mademoiselle est toujours dans le coffre ?» demanda Hatch après un silence. « Non, » répondit la machine à penser. « Elle est sortie maintenant, morte ou vivante. Je suis enclin à la croire vivante. Et l'homme ?»« Je le livrerai à la police, dans une demi-heure après notre arrivée à Boston. » De South Station, le scientifique et Hatch furent immédiatement conduits au quartier général de la police. Le détective Mallory, que Hatch connaissait bien, les accueillit. « Nous avons reçu votre coup de téléphone de Springfield, » commença-t-il. « Était-elle morte ?» interrompit le scientifique. « Non, » répondit Mallory. « Elle était inconsciente quand nous l'avons sortie de la malle. Elle est gravement meurtrie, mais rien de cassé. Le médecin dit qu'elle est hypnotisée. Le bonbon a-t-il été retiré de sa bouche ? Bien sûr, une crème au chocolat, il n'avait pas fondu. « Je reviendrai ici, dans quelques minutes, et je la réveillerai, » déclara la machine à penser. « Venez avec nous maintenant pour arrêter le coupable. » Le détective, perplexe, monta dans le taxi et les trois hommes furent conduits dans un grand hôtel à une douzaine de pâtés de maison. Avant d'entrer dans le hall, la machine à penser remit une photographie à Mallory qu'il étudia à la lumière d'une lampe. « Cet homme est à l'étage avec plusieurs autres, » expliqua le scientifique. « Repérez-le et mettez-vous derrière lui quand nous entrerons dans la pièce. Il peut tenter de tirer. Ne le touchez pas jusqu'à ce que je le dise. » Dans une grande pièce du cinquième étage, le directeur Stanfield de la Iron Wallet Company avait rassemblé les hommes de son équipe. Cela fut fait à la demande téléphonique de la machine à penser. Il n'y eut pas de préliminaire lorsque le professeur Van Dusen entra. Il jeta un regard circulaire autour de lui, puis alla directement à Langdon Mason. « Êtes-vous sur scène dans le troisième acte de votre pièce avant que mademoiselle n'ait à faire son apparition ? Je veux dire, la pièce de samedi soir dernier, » demanda-t-il. « Je l'ai été, » répondit Mason, « pendant au moins 3 minutes. »« Monsieur Stanfield, est-ce exact ?»« Oui, » répondit le directeur. Il eut un long silence tendu, interrompu seulement par les pas lourds de Mallory alors qu'il se dirigeait vers un coin éloigné de la pièce. Une légère rougeur apparut sur le visage de Mason lorsqu'il réalisa que les questions étaient presque une accusation. Il commença à parler, mais la voix ferme et impassible de la machine à penser l'arrêta. « Monsieur Mallory, prenez votre prisonnier, » déclara-t-il. Instantanément, il y eut une lutte féroce et frénétique, et les personnes présentes se retournèrent pour voir le détective avec ses grands bras ceinturés Stanley Whiteman, le Jacques mélancolique de « Comme il vous plaira ». Le visage de l'acteur était défait. La folie flamboyait dans les yeux, et il grognait comme une bête aux abois. Par un mouvement soudain, Mallory repoussa Whiteman et le menaça. Puis il leva les yeux, pour apercevoir la machine à penser regardant par-dessus son épaule l'homme prostré. « Oui, c'est un hypnotiseur », fit remarquer le scientifique dans une conclusion satisfaite. « Cela se remarque toujours dans les pupilles des yeux. » C'était donc le début et la fin du premier problème. Biswalak fut réveillé et raconta une histoire presque identique à celle de la machine à penser. Stanley Whiteman, que la rumination d'un amour sans espoir pour l'actrice rendit fou, délire et hurle les dialogues de Jacques dans l'isolement d'une cellule capitonnée. Jacques Futrelle.